Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a visité l'Institut de l'Architecture Paektusan avec Ma Won-chun, chef du département de plan du Comité des Affaires d'État. Il a tout d'abord fait le tour de la salle d'éducation aux faits révolutionnaires, de la salle de conservation des objets d'intérêt historique révolutionnaire et de la salle d'historique. Rappelons que le général Kim Jong-il a fondé en juillet 1982 l'Institut de l'architecture Paektusan pour développer radicalement l'architecture du pays, l'a baptisé en personne et visité plusieurs fois. Voyons avec une émotion profonde les photos du général visitant l'Institut de l'architecture Paektusan. Le maréchal Kim Jong-un a dit que tous les objets d'intérêt historique précieux reflètent l'histoire de direction du général qui s'est dévoué pour le développement de l'architecture à la coréenne. Et de continuer. Sous la direction éclairée du général, l'Institut de l'architecture Paektusan s'est transformé en groupe de créateurs et chercheurs de l'architecture compétents qui assurent au niveau suprême tout plan de commande assigné par le parti et règlent aussi avec succès des problèmes scientifiques et techniques posés dans la création architecturale. Sans la direction du général qui a aménagé avec tant d'efforts les centres de création et d'études architecturales comme l'Institut de l'architecture Paektusan et éclairci l'orientation du développement de l'architecture à la coréenne avec une perspicacité géniale, on ne peut pas penser à l'apogée et à la grande prospérité de la construction produite aujourd'hui sur ce sol. Donc, il ne faut jamais oublier les exploits du général. Les cadres, les dessinateurs, les architectes et les chercheurs de l'Institut de l'architecture Paektusan doivent vivre et travailler avec la grande fierté de travailler dans le lieu de travail marqué des traces de pas du général. Le maréchal Kim Jong-un a fait le tour de divers endroits, notamment l'exposition des performances des sciences et techniques architecturales, la salle d'études de dessin architectural et la salle d'informatique, et il a présenté les tâches de l'Institut. Les cadres, les dessinateurs, les créateurs et les chercheurs de l'Institut de l'architecture Paektusan doivent s'inspirer de l'idée de notre parti sur l'esthétique architecturale originale et de la politique de construction et s'efforcer de mettre sur pied des bâtiments empreints de l'esprit du Tutsé, de l'identité nationale, de l'originalité et de la modernité qui brilleront à jamais à travers l'époque du Parti du Travail. L'architecture est l'art de haut niveau et aussi un critère important décidant du niveau de la civilisation et de la puissance du pays et de la nation. Avec le concept noble qui sont peintres et horticulteurs dessinant et cultivant l'avenir rose de la patrie socialiste, les dessinateurs et les architectes doivent assurer suffisamment au niveau suprême les plans reflétant le dessin de construction du parti et l'idéal de la population. Les dessinateurs, les architectes et les chercheurs doivent rejeter parfaitement la ressemblance et la répétition des dessins architecturaux et s'efforcer d'édifier plus merveilleusement beaucoup plus de bâtiments de santé, bâtiments verts, ouvrages d'énergie zéro et de carbone zéro, édifices multifonctionnels, etc. L'Institut de l'architecture Paektusan doit converger de gros efforts pour rehausser au maximum le taux de nationalisation des matériels de construction de finition, diversifier et rendre multicolores les produits de construction, explorer un secteur nouveau de l'architecture, améliorer la capacité des dessinateurs et architectes et se procurer d'un plus grand nombre de données de l'architecture mondiale. Le maréchal Kim Jong-un a souligné la nécessité de moderniser mieux les moyens de dessin de l'Institut de l'architecture Paektusan et dit que le parti enverra les installations de plans modernes comme les ordinateurs sophistiqués de façon à assurer à un haut niveau la scientificité, l'exactitude et la rapidité de dessin. Il a dit qu'à travers sa visite, il a connu mieux que les dessinateurs, les architectes et les chercheurs ont fait beaucoup de choses dans l'application des recommandations du général et de l'intention du parti, et apprécié haut leur mérite d'avoir mis au monde dans le passé au niveau suprême nombre de chefs-d'œuvre architecturaux de valeur de trésor national, en incarnant l'idée du parti sur l'esthétique architecturale. Le maréchal Kim Jong-un a déclaré que l'attente du parti est immense à l'égard de l'Institut de l'architecture Paektusan et exprimé l'attente et certitude que les cadres, les dessinateurs, les architectes et les chercheurs rempliront leurs missions et devoirs honorables et lourds avant de se faire photographier en souvenir avec eux.